Wesh, ouais, qu'est-ce tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Gros joint de bœuf, je la touche à deux. T'en veux un peu? T'en veux un peu? Suce ma queue. Wesh, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je t'emmène dans des mauvais dièses. Pour faire la biche, te baise. En pantoufle dans le game. À l'enterrement, en chemise hawaïenne. T'as reconnu Charles et l'empreinte du sale. Sur ses fesses, y'a mon empreinte digitale. J'bois des litres de Coca-Cola, Cogulo. Un café interpé, j'pars en boulot. Ta conso, t'as coûté un vrai comme Jamel. Ma bite pleure devant les petits mouchoirs comme jamais. On lève les crosses dans tout l'alphabet. J't'ai vendu de la farine, c'est arnaqué. Quand j'étais petit, j'rêvais d'être gynécologue. J'la fais à 10 même à mon coloc. T'es pas content, appelle le SAV. J'ai fait du sale bien avant que tu sois né. Suis-je un génie ou un fou, c'est le mystère. C'est le mystère. Je suis le responsable des attentats et des guerres. Et de toutes les guerres, mon gars. Ma bite dans ton cul, t'as Excalibur. Fais t'inspirer, mon nègre, j'ai pas le temps. Le sexe est court, tu pisses sur tes chaussures. Les chattes mexicaines sont épicées. J'roule des bons gros cônes comme chez le glacier. Fais les mouillés pour arroser la bœuf. Invite tes copines, j'veux pas baiser qu'à deux. J'crois au Père Noël, pas au respect. Bendo protégé par l'ONU. À part faire du sale, j'ai pas de plan B. Les beurrettes à la cave sont des grands crus. Wesh, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Gros joint de bœuf, gros joint de bœuf. Je la touche à deux, t'en veux un peu? T'en veux un peu? Suce ma queue, suce ma queue. Wesh, qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je vends du shit au petit Nicolas. Signale son bonheur, amène tes collègues. Quand t'as la grippe, moi j'ai le sida. Mes abeilles viennent fumer ton pollen. Elle m'a dit qui es-tu, j'ai dit ton cavalier. Je te tire dessus au pistolet laser. Je lui ai dit pipe tu, elle m'a dit avaler. Quand lui a enseigné sa mère la pute. J'vends de la cocaïne, j'vends de la cocaïne, j'vends de la cocaïne. Viens à l'heure avec 250 grammes dans la valise. Ouais. Je te fais même pas de réduction sur 650 euros. Buenos dias, j'fais des euros, j'fais des lias. Les chattes japonaises sont bien serrées. J'suis un bandit, j'les fourre cagoulées. Quelques faciales pour mes lépreux. J'suis un raisin comme Depardieu. J'fais de l'achat revente. Grosse bastos dans le ventre. Wesh, qu'est-ce tu veux, madame? J'sais que tu veux m'en prendre. Wesh, qu'est-ce tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Gros joint de bœuf.